Un jour, en pleine nuit, il me téléphone, il me dit, je vous réveille pas. Comme je dormais, je lui dis non. Il me dit, je viens de recevoir du laboratoire les résultats de nos deux analyses. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en ce qui me concerne, tout est normal. Par contre, pour vous, c'est inquiétant. Je lui dis, quoi, qu'est-ce que j'ai? Il me dit, vous avez un chromosome en plus. Je lui dis, c'est-à-dire? Il me dit, c'est-à-dire, vous avez une case en moins. Je lui dis, mais ça signifie, ben, il me dit, ça signifie que vous avez le virus du tueur. Vous êtes un tueur né. Je lui dis, moi, un tueur. Mais il me dit, je vous rassure tout de suite, c'est pas dangereux pour vous. Et pour ceux qui vous entourent, ben, ils doivent se sentir visés. J'ai dit, mais je n'ai jamais tué personne. Et il me dit, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il me dit, vous avez une arme? Je lui dis, oui, j'ai un fusil à air comprimé. Il me dit, alors pas plus de 2 airs comprimés par jour. Et il raccroche. Toute la nuit, j'ai entendu mon chromosome en plus qui tournait en rond dans ma case en moins. Et le matin, je me réveille avec une envie irrésistible de tuer quelqu'un. Fallait que je tue quelqu'un. Mais qui tuer? Je ne sais qui tuer. Non, enfin, qui tuer? Non, pas qui tuer dans le sens qui tue, toi qui cherches qui tuer. Hein? Ou dis-moi qui tuer, je te dirai qui tuer. Ah, oh, ben qui j'étais? Ben qui j'étais, je le savais. J'étais un tueur. Et un tueur sensible. Enfin, il fallait que je tue quelqu'un, j'avais personne à ma portée. Ma femme était sortie. J'ai dit, je vais tuer le premier venu. J'ai dit, je vais tuer le premier venu. Je prends mon fusil sur l'épaule, je sors. Et sur qui je tombe, le hasard fait bien les choses. Hein. Sur le premier venu. Il avait aussi un fusil sur l'épaule, il avait un chromosome en plus aussi. Il dit, salut, toi le premier venu. Ah, j'ai dit, non, pour moi le premier venu, c'est vous. Il me dit, non, je t'ai vu venir avant toi. Et de plus loin. Il me dit, ça t'ennuie pas que je te tue, toi? Il me dit, je te tue, toi, et toi, tu me dis, tu. J'ai dit, si tu as ce tueur, il va me tuer. Je lui dis, si on s'épaulait mutuellement. Il me dit, d'accord, alors on se met en joue comme ça. Puis il me dit, stop, stop, stop, nous allons commettre une irréparable bavure. Ben, nous ne pouvons pas considérer deux hommes qui ont le courage de s'entretuer comme des premiers venus. Faut en chercher un autre. J'ai dit, d'accord. Et là-dessus, j'entends claquer deux coups de feu. Et je vois courir un type avec un fusil sur l'épaule. Je lui dis, vous aussi, vous voulez tuer le premier venu? Il me dit, non, le troisième, j'en ai déjà raté deux. Et d'un coup, je sens le canon d'une arme s'enfoncer dans mon dos. Je me retourne, c'était mon médecin. Il me dit, je viens vous empêcher de commettre un meurtre à ma place. J'ai commencé à me dire, oui, le laboratoire a fait une erreur. Il a confondu nos deux analyses. Le virus du tueur, c'est moi qui l'ai. Le docteur, vous n'avez tout de même pas tué de sang-froid un bon patient. Il dit, si, la patience a des limites. Il dit, j'en ai assez de vous dire, ne vous laissez pas abattre. Il dit, docteur, vous avez déjà tué quelqu'un, vous? Il me dit, sans ordonnance, jamais. Mais je vais vous en faire une et il m'en a fait une.